Chapitre 11e. La vieillesse de la femme. Trois fins s'offrent à la femme du XVIIIe siècle qui n'est plus jeune, la dévotion, les bureaux d'esprit, les intrigues de cour. Aux approches de la vieillesse, un certain nombre de femmes se retiraient dans les pratiques de la vie religieuse. Elles se vouaient au renoncement. Elles quittaient un soir le monde, un matin les mouches, visitaient les pauvres, fréquentaient les églises. On les voit passer allant en sermon, courant les bénédictions, vêtues de couleurs sombres, dans quelques fours aux feuilles mortes. La coiffure basse est faite pour entrer dans un confessionnal. Un laquais les suit portant leurs heures dans un sac de velours rouge. Mais que l'on cherche au-delà de cette image, de cette silhouette de la dévote, que l'on touche au fond de cette femme, à l'âme de cette dévotion, nul document du temps ne témoigne d'un de ces grands courants de religion, profonds et violents, qui arrachent et enlèvent les cœurs. La piété du siècle précédent, sévère, dure, ardente d'intolérance, toute chaude encore des guerres de foi, va, s'adoucissant et s'éteignant dans ce siècle trop petit et trop amolli pour elle. Elle était la flamme qui dévore, elle n'est plus qu'un petit feu qui se laisse entretenir. Cette piété douce et tiède n'a pas de quoi emporter à Dieu les passions de la femme. Elle ne fait pas éclater en elle ces grands coups de la grâce brusque, suprême, et qui semblent les foudroiements de la vocation. Elle ne ravit pas la femme, elle ne saurait la remplir et la posséder toute. Aussi le XVIIIe siècle ne vous offrira-t-il que bien peu de ces grandes immolations, de ces retraites austères et rigoureuses où la femme enferme le reste de sa vie. La dévotion dans cette société apparaît simplement comme une règle commode des pensées, un débarras des superfluités et des fatigues mondaines, un arrangement qui simplifie la vie matérielle, qui ordonne la vie morale. Elle semble encore une marque de délicatesse, presque d'élégance, un signe de personne bien née. Elle est de ton, et il est reçu dans l'extrêmement bonne compagnie, qu'il n'est pas de façon mieux apprise, plus convenable, plus digne d'un certain rang, plus décente en un mot, pour vieillir et pour finir. La bienséance, tel est le principe de la dévotion de la femme du XVIIIe siècle. Et quel autre fondement pouvait avoir la religion en ce siècle des esprits critiques et des âmes passionnées, dans ce temps où les petites filles au couvent ont déjà des doutes, et les expriment d'une façon si spirituelle qu'elles embarrassent Massillon et désarment la punition. Tant rebelle au renoncement, où la femme même mourante se rattache à l'amour et s'écrie, quand son confesseur lui reproche de permettre à la voiture de son amant de passer ses jours et ses nuits à sa porte. « Ah, mon père, que vous me rendez heureuse, je m'en croyais oubliée. » Une mode, voilà la piété, piété morte, zèle mondain, âme des dehors. À sa paroisse, la femme a sa chaise ou sans ses armes, et elle va à la messe pour occuper sa place, par respect humain pour elle-même, pour les autres et pour ses gens. Pendant quelque temps, une messe en vogue attire toutes les femmes, la messe musquée, qui se dit à 2 heures avant dîner au Saint-Esprit. Une fois cette messe défendue, on ne va plus guère à la messe que le dimanche, et la femme n'est ramenée aux offices, aux confessionnaux dont elle s'éloigne peu à peu, que par des paniques soudaines et passagères, les menaces d'un an 1000 tombé du haut d'une académie, l'apparition d'une comète et d'un mémoire de Lalande sur le rôle destructeur des comètes. Cependant, au carême, beaucoup d'églises sont remplies. On s'étouffe aux prédications, mais c'est le spectacle de la chair et le jeu du prédicateur qui attire la foule. Que par hasard, et sans avoir prévenu d'avance, le prédicateur vanté qu'il faut avoir entendu se trouve indisposé, qu'à sa place un capucin ignoré, innommé, monte en chair, on laisse là sa chaise et la parole de Dieu. On sort de l'église comme d'un théâtre, on s'y rend comme à la comédie. Des femmes même y vont comme en petite loge, avec l'idée de s'amuser, de faire scandale, de déconcerter l'éloquence du prêtre de la même façon qu'elles gêneraient les effets d'un acteur sur la scène. N'en connaît-on point une qui a fait le pari d'ôter le sang-froid au père Renaud, le prédicateur mis à la mode par la conversion de Madame de Mailly, et qui, à force de coquetterie, d'œillade et d'étalage impudique, a gagné son pari. La chair, d'ailleurs, est-elle restée vénérable? A-t-elle gardé cette dignité des paroles simples et fortes qui l'enveloppe de sainteté et l'entoure de grandeur? N'est-elle pas une tribune où le bel esprit du prêtre semble, quand il parle de la religion, concourir pour l'éloge de Dieu? L'éloquence de la foi devient une éloquence d'académie, allusive, piquante, semée de pensées neuves, brodée d'anecdotes, réchauffée de traits et de demi-personnalités. Elle parle au monde le langage du monde, et revient toujours au siècle, qu'elle maudit avec complaisance, avec grâce, avec esprit, presque amoureusement. Tous les échos du dehors, les bruits de la cour et de la ville, la politique de l'État, résonnent et vibrent sous les citations des livres saints, qui n'ont plus que l'accent d'un refrain banal, dans la bouche des grands maîtres de la parole divine, dans la voix d'un abbé Maury. Mais à côté de cette éloquence, qui conserve encore par instant la hauteur de l'emphase et la virilité de la déclamation, une parole descend doucement de la chair, pénètre la femme, et glisse de son esprit jusqu'à ses sens. Cette parole nouvelle n'est qu'agrément, raffinement, coquetterie. Elle est tout aimable et tout enjolivée. Elle ne va que de la gentillesse à l'épigramme, de l'épigramme à l'antithèse. Elle ne touche qu'à de jolis sujets, elle ne remue que les péchés qui ont le parfum de la femme. Elle ne roule que sur les tentations de la société, sur les jeux, les spectacles, la parure, les conversations, les promenades, l'amour des plaisirs. Cadre charmant, où le prédicateur peint les feux de l'enfer en rose, et fait tenir, en la déguisant sous une teinte légère de spiritualité, une morale tirée des poètes et des romans. Lui-même a le débit moelleux, la voix argentine encore adoucie, au bout des périodes harmonieuses, par un morceau de pâte de guimauve. Il n'a aux lèvres que des textes pris dans les versets les plus amoureux du Cantique des Cantiques, suivis de deux petites parties aussi chargées de grâce que bien tournées, où la charité la plus galante, la plus mignarde, joue avec les légendes de la Samaritaine, de la femme adultère, de la Madeleine, comme avec des miniatures de Charlier. Cette corruption de la parole sacrée a laissé partout sa trace. On en retrouve les traits et le témoignage dans les brochures de mœurs, l'esprit dans les livres religieux du temps, dans les livres de l'abbé Berruyer, et dans cette religion prouvée par les faits, où l'agrément et le piquant du style avaient jeté tant de douceur sur les amours des patriarches qu'il fallut presque en arrêter le cours. Que pouvait une telle éloquence contre les entraînements du siècle? Quelle force lui restait pour avertir les âmes, toucher le fond des croyances, remettre Dieu dans les cœurs? Elle était elle-même une des voix du siècle et non la moins voluptueuse. Elle n'avait rien qui touchât, qui commandât, rien pour jeter dans un auditoire ces idées qui se prolongent dans la solitude ainsi qu'un son sous une voûte. Ses plus grands mouvements ressemblaient à une musique d'opéra. Il n'en avait que le chatouillement. D'où venaient donc, au XVIIIe siècle, les accès de dévotion de la femme, les résolutions qui la traversaient, ses conversions soudaines et un moment brûlante? De l'amour, du dépit ou du désespoir de l'amour. Un chagrin d'amour ramenait le plus souvent sa pensée à la religion et lui faisait appeler un prêtre. Le prêtre appelé, la scène se passait comme elle se passe en pareille circonstance entre l'abbé Martin et Madame d'Épinay. Madame d'Épinay, lui parlant tout d'abord de son désir de se jeter dans un couvent, l'abbé Martin, qui avait le sang-froid de l'habitude, lui disait posément qu'une mère de famille n'était point faite pour devenir une carmélite, que ses retours à Dieu trop subis, trop emportés, ne lui inspiraient qu'une médiocre confiance. Et quand il avait tiré de Madame d'Épinay le mot est la cause de cette grande fièvre de dévotion, il se retirait en prêtre avisé et en homme bien appris, doucement et avec la persuasion que la pensée de Dieu ne durerait dans cette âme que jusqu'à la pensée d'un nouvel amant. Ce moment de défaillance, où elle est abandonnée de ce qu'elle aime, est le seul moment dans la vie de la femme du XVIIIe siècle où la religion semble lui manquer, où elle pense au prêtre comme à quelqu'un qui console. Dieu lui paraît, dans cet instant seul, quelque chose qu'elle veut essayer d'aimer. Parfois, pourtant, avant l'âge, avant la vieillesse, la dévotion est apportée à la femme par la fatigue du monde, la solitude du foyer, le train si libre, le lien si relâché du mariage. Il se rencontre dans ce temps des âmes douces et faibles, faciles aux lassitudes, blessées, étourdies par la lumière et le bruit, qui de bonne heure demandent à la religion la paix des habitudes, l'ombre discrète de la vie. Mais pour ces femmes délicates et paresseuses, jeunes encore au moins pour Dieu, pour ces dévotes qui n'ont que l'âge de la maturité appétissante, que d'écueils, que de tentations, que d'attaques sur le chemin du salut qu'elles font à petite journée. Une dévote, c'est le fruit défendu pour l'amour du siècle, pour les gens à bonne fortune. Le libertinage du siècle est trop raffiné, trop subtile, trop aiguisée. L'imagination de ses sens est trop tendue vers toutes les recherches du difficile, de l'extraordinaire, du nouveau. Il est trop tenté par tout défi pour ne pas faire de cette femme son ambition, son désir, sa proie désignée. Pour la débauche fine et si délicatement corrompue du temps, une dévote n'est rien moins que le morceau de roi de la galanterie. Une sensualité délicieuse semble cachée dans cette femme si différente des autres, avec ses paquets de fichus sur la gorge, son corps qui remonte à son menton, sang rouge, le teint blanc, portant en elle un charme de fraîcheur et de quiétude, le repos est comme le reflet de la retraite. Mille séductions secrètes et tendres, une coquetterie pénétrante se dégage dans l'air autour d'elle avec la suavité et la douceur des parfums exquis rangés. Dans le roman de Thémidor, sur le linge fin et la toilette de Madame de Doligny. Femmes uniques, pour faire rêver aux hommes à femmes le suprême du plaisir, pour leur promettre ce que le jargon des rouets nomme un ragoût, une succulence, ce qu'un livre du temps appelle l'onction dans la volupté. N'oublions pas cet autre aiguillon du libertin dans ce temps où l'amour aime l'humiliation et la souffrance de la femme, la lutte de la dévote, les déchirements de son cœur, ses résistances au péché, ce spectacle nouveau d'une âme longue à être vaincue, se débattant avec elle-même, roulant du devoir en remords, se ressaisissant dans sa chute et se reconnaissant dans sa honte, c'était de quoi décider bien des hommes à tenter cette aventure où ils prévoyaient tant de piquants, tant de saveurs, l'amusement de leurs vanités les plus cruelles. Tout exposé pourtant qu'elle était de ce côté, ce n'était point le plus souvent sous l'attaque d'un libertin que la dévote succombait. Généralement, cette femme peureuse du scandale redoutait les hommes notés de galanterie, les façons affichantes, les plumets, les manières vives et étourdies. Et si elle arrivait à céder, elle cédait plus volontiers à quelque jeune homme, tout neuf dans le monde, heureux du silence, jaloux du mystère de son bonheur. Ou bien encore, quelquefois la dévote s'abandonnait à une espèce d'homme glissé sans bruit dans sa familiarité qui, par état, promettait à sa faute ce pardon du péché, le secret. Mais, si dangereux qu'il se montra, qu'était l'amour contre la dévotion, qu'étaient les chutes des sens, les défaites du cœur, secrètes ou éclatantes, auprès de l'esprit du temps, du souffle d'incrédulité qui pénétrait peu à peu la femme et la remplissait de doutes, de soulèvements, de révoltes. C'était l'esprit encore plus que tout le reste qui se dérobait chaque jour plus résolument chez la femme aux croyances de la foi. Il recevait le contre-coup de tout ce qui s'agitait dans la pensée des hommes, l'ébranlement des livres, des brochures, des idées. Et voulez-vous la mesure précise du dépérissement, de l'étouffement de la dévotion de la femme dans l'ère du XVIIIe siècle? Il vous suffira de jeter les yeux sur le gouvernement de la femme par l'Église, sur la direction. La direction n'est plus le grand pouvoir obscur, redoutable, absolu, du XVIIe siècle. Le directeur n'est plus ce maître du foyer, ce maître de la maison, l'homme effrayant du salut, qui sous une femme tenait tout sous sa main, réglait les consciences, les volontés, le service, la famille. Aujourd'hui, qu'est-il? Un homme de compagnie, un partner au whisk, un secrétaire, un lecteur, un économe, un sous-intendant des dépenses de la maison, qui met l'ordre dans la cuisine et la paix dans l'antichambre. On le prétend moliniste, si le vent est au molinisme, quitte à le remplacer par un janséniste, si le vent tourne. Car c'est un familier sans assise dans la maison. Voilà le personnage et le rôle, et s'il vous faut la révélation de tout son abaissement, elle vous sera donnée par le directeur de Madame Alain dans le joli conte si vivant de M. Guillaume. La direction véritable, toute puissante, tyrannique, n'est plus là. Elle n'est plus dans l'Église humiliée, dans le prêtre discrédité. Elle est dans la nouvelle religion qui triomphe. Ses bénéfices et ses pouvoirs, son exercice et sa domination sont tout entiers aux mains de la philosophie, à la discrétion des philosophes. Voilà la nouvelle direction et les nouveaux directeurs de la femme. Ce sont les philosophes qui prennent la place chaude au foyer, à la table, au conseil de famille, qui héritent de l'influence, du droit de sermonner et de décider, qui ouvrent et ferment la porte de madame, qui lui conseillent ses amants, qui lui imposent ses connaissances, qui font de son âme leur créature et de son mari leur ami. Partout, dans toutes les maisons un peu famées, à côté de toute femme, assez éclairée pour vouloir faire son salut philosophique, il s'installe un de ces hommes, quelque saint de l'encyclopédie que rien ne déloge plus. C'est d'Alembert, qui conduit le ménage Geoffrin. C'est Grimm, régnant chez le baron d'Holbach, ami dirigeant de la maison, qui défend à d'Holbach d'acheter une maison de campagne qui ne plaît pas à Diderot. C'est cet autre, le grand tyran des sociétés, Duclos, qui, à la Chevrette, auprès de Madame d'Épinay, va révéler l'omnipotence et toute la profondeur de ce personnage de directeur laïque. Il s'interpose entre la femme et le mari, il prêche la femme, il lui apprend les infidélités de l'amant qu'elle a, il lui dit du mal de l'amant qu'elle aura, il entre de force dans toutes ses affaires, il pénètre ses sentiments, il prend en main sa réputation, il lui ordonne, au nom de l'opinion du monde, de quitter celui-ci pour celui-là, il la met en garde contre l'amour, contre l'amitié, contre la sévérité de morale des gens qu'elle estime, il l'empoisonne de soupçons, il la remplit et l'assombrit de défiance, de terreur, de remords, il la gronde, il la morigène, il la domine par les tourments qu'il lui donne, les inquiétudes qui lui soufflent au cœur, il s'établit dans sa famille, dans ses relations, partout autour d'elle, il lit ses lettres, il les refait, il jette au feu ses papiers, il s'empare de la confiance du mari, il commande au précepteur, il préside à l'éducation des enfants. Il touche à tout, il se mêle à tout, il commande à tout. Son obsession de bourru malfaisant et insinuant prend la grandeur et la terreur d'une possession diabolique. Et tandis qu'il plane avec des sarcasmes sur cette femme frissonnante, l'ombre de Tartuffe passe au mur derrière lui. Une seule chose empêcha les philosophes et la philosophie, les hommes et les idées du Parti Nouveau, de s'emparer absolument de la femme. Par le caractère de son sexe et la nature de ses facultés, la femme du XVIIIe siècle, comme la femme de tous les siècles, manquait de force pour l'incrédulité. Manque de force, besoin d'appui, c'est là, semble-t-il, toute la raison de sa dévotion, dévotion raisonnée, comme pourrait l'être celle d'une de du défunt sous un petit coup de la grâce, retour à Dieu d'un esprit que le vide effraie. Un prêtre a éclairé à fond sur ce point le cœur de la femme et du temps. L'abbé Galliani a montré, pour ainsi dire, les dernières racines auxquelles se rattache la foi dans les décadences incrédules, lorsqu'il a écrit dans sa grande langue « À fin de compte, l'incrédulité est le plus grand effort que l'esprit de l'homme puisse faire contre son propre instinct et son goût. Il s'agit de se priver à jamais de tous les plaisirs de l'imagination, de tout le goût du merveilleux. Il s'agit de vider tout le sac du savoir, et l'homme voudrait savoir. De nier ou de douter toujours et de tout, et rester dans l'appauvrissement de toutes les idées, des connaissances, des sciences sublimes, etc. Quel vide affreux, quel rien, quel effort. Il est donc démontré que la très grande partie des hommes, et surtout des femmes, dont l'imagination est double, ne saurait être incrédule, et celle qui peut l'être ne saurait soutenir l'effort que dans la plus grande force et jeunesse de son âme. Si l'âme vieillit, quelque croyance reparaît. Mais cette foi qui se sauve de l'incrédulité, qui s'en échappe et s'en retire, est elle-même un effort. Elle n'est point vivante par la facilité, l'abandon, par le dévouement, par l'amour. Laissons ce que Galliani appelle des croyances qui reparaissent, et ne comptons point avec ses conversions à la Geoffrin et à la De Chaune que l'âge semble amener avec l'affaiblissement. Estimons, étudions la piété du siècle dans celle qui en donne l'exemple constant et qui en fixe le caractère. La piété, chez les femmes les plus sincères, les plus croyantes, manque d'onction. Elle ne peut quitter un ton de sécheresse. Elle garde sur toute chose un sens et un esprit critique. Dans tout ce qu'ont légué ces personnes de haute dévotion, dans leur vie, dans leur pensée, dans ce qu'elles ont laissé échapper de leur conscience, de leur bouche, de leur plume, on sent une froideur. L'amour de Dieu ne semble pas être autrement en elles qu'un principe dans un cerveau. Et elles mettent tant de réflexions dans la prière, elles ont contre tout enthousiasme de si grandes réserves, elles font des vertus religieuses auxquelles elles ôtent les lancements, des vertus si raisonnables, si philosophiques, elles semblent si uniquement attachées à une sainteté purement morale, qu'elles rappellent la pensée de Rousseau ne trouvant pas à Madame de Créqui l'âme assez tendre pour être jamais une dévote en extase. Ces femmes ont cru de toute leur force. Elles n'ont pu croire de tout leur cœur. C'est à cette piété desséchée que la mode va ouvrir dans ce siècle une nouvelle carrière. elle va lui donner un nouveau but, presque un nouveau nom. La dévotion qui ne suffit plus, qui ne se nourrit plus d'elle-même, va retrouver d'autres aliments, une autre vie. Elle sera la charité. On la verra quitter son rôle passif, sortir de l'oratoire, de la retraite, du silence, des habitudes contemplatives, des élévations solitaires, des pratiques sous lesquelles l'ancienne dévotion tâchait d'éteindre le mouvement, l'action, l'initiative de la femme pieuse pour qu'elle s'abandonnât en Dieu et y restât tout enfoncée. Dans ce siècle, la philanthropie entre dans la religion et la dévotion, suivant le cours du temps, descend de l'adoration du Créateur au soulagement de la créature. De ce jour, du jour où la femme trouve la charité pour ressusciter et occuper sa dévotion, l'activité la saisit. Un souffle l'emporte hors d'elle-même, elle appartient aux autres. Un esprit égal en agitation à celui qui remuait chez Madame Louise de France va la pousser dès le matin hors de chez elle. Seule, à pied, par la pluie, le froid, par tous les temps, elle ira de l'Arsenal aux Incurables, du palais à l'île Saint-Louis, du lieutenant de police et la supérieure de la Salpêtrière. Vingt commissaires recevront ses dépositions. Tous les consultants de Paris la connaîtront. On la rencontrera sans cesse sur le chemin de Versailles. À Versailles, on la verra à tous les bureaux, à toutes les toilettes, au salut de la chapelle, aux cassettes. Les hôpitaux, les prisons seront les lieux d'élection de cette dévotion nouvelle. Par elle, la conciergerie sera dotée d'une infirmerie. Par elle, l'hôtel-Dieu sera réformé. Par elle, disparaîtront ces lits où étaient entassés 8 hommes, où la maladie, l'agonie, la mort couchaient ensemble sous le même drap. Et c'est cette vertu d'ordre humain, la bienfaisance, éclatant et se répandant vers la fin du siècle, qui sera la véritable et peut-être la seule religion d'instinct et de mouvement de la femme au XVIIIe siècle. Une autre foi apparaît encore, mais secrète, cachée et comme honteuse, tout au fond de la femme du XVIIIe siècle. Dans un repli de cette âme féminine du temps, si ferme, si libre, d'une personnalité si entière, dans un coin de cet esprit raisonnable qu'une philosophie naturelle semble affranchir du préjugé, de la tradition, du respect religieux, il reste une faiblesse populaire, la superstition. Il y a encore sur l'imagination du XVIIIe siècle l'ombre de terreur et de mystère des croyances du XVIe siècle. Chez la plus grande dame, il existe encore le souvenir des vieilles recettes, une conscience vague de ces idées qui font, pour retrouver son enfant noyé, allumer à une pauvre femme du peuple une bougie sur une sébile lancée au courant de l'eau et s'en en la mettre le feu au petit pont de l'Hôtel-Dieu. Au milieu de ce siècle philosophique, la femme croit à la chance de la corde de pendu, au pronostic du sel renversé, des fourchettes en croix. Elle a les peurs de cette Madame d'Esclignac, qui donne à ses soupers la comédie aux esprits forts de Paris. Les horoscopes ne sont pas oubliés. Sur des berceaux de petites filles, Boulainvilliers, Colonne et d'autres en tirent bon nombre qui tiennent les femmes sous le coup d'un avenir fatal, dans une sorte de tremblement, et parfois, comme pour Madame de Nointel, amène par l'épouvante et l'idée fixe la réalisation de la prédiction. Des femmes ont la naïveté de la princesse de Conti, promettant à un abbé Leroux un équipage et une livrée, s'il lui trouve la pierre philosophale. D'autres ont l'illusion de la duchesse de Ruffec, passant sa vie avec des espèces de sorcières qui lui ont promis le rajeunissement. Malheureusement, les drogues, qui coûtent fort cher, mal choisies ou insuffisamment exposées au soleil, ont toujours un défaut qui fait manquer l'opération. Crédulités inouïes, mais qui ne sont point en si grand désaccord avec les superstitions avouées, affichées par les intelligences de femmes les plus viriles, les plus indépendantes, qu'on écoute leur voix, leurs cris, sous la plume de Mademoiselle de Lespinasse, lorsque, mourante, elle supplie M. de Guibert de ne pas passer de bail pour son nouvel appartement un vendredi. Un vendredi, sa main tremble lorsqu'elle parle de ce terrible jour dont elle rapproche les fatalités. C'est le vendredi 7 août 1772 que M. de Mora est parti de Paris. C'est le vendredi 6 mai qu'il est parti de Madrid. C'est le vendredi 27 mai que je l'ai perdu pour jamais. La foi aux diseuses de Bonaventure demeure vive, empressée, entêtée, et du commencement à la fin du siècle, la tireuse de cartes fait faire antichambre aux grandes dames sur ses chaises boiteuses. Toutes se glissent chez elles la nuit incognito, d'un pas furtif, voilé, parfois le visage déguisé. Et Madame de Pompadour, s'échappant un soir du palais de Versailles, va consulter en grand secret cette fameuse Bontemps qui a lu dans le marc de café la fortune de Bernice et la fortune de Choiseul. Avant le règne de Louis XV, il s'était trouvé des femmes plus hardies, qui avaient voulu se passer d'intermédiaires, avoir leur bonne aventure de première main, la tenir du diable personnellement. Une maîtresse du régent, Madame de Séry, avait ouvert son salon à des séances d'évocation, où Boyer, le magicien produit par Madame de Senecterre, voyait du vivant de Louis XIV la couronne royale sur le front du duc d'Orléans. Dans les assemblées tenues chez Madame la princesse de Conti-Douairière, il se formait une société divinatoire, où des bergers amenaient des lièvres possédés de l'esprit malin. Chez Madame de Charolais, au château de Madrid, il se faisait des sabbats, que l'on accusait, il est vrai, de plus de volupté que de diablerie. Au milieu même du siècle, en plein règne de Louis XV, en 1752, un monsieur de la Fosse faisait voir le diable, un diable qui parlait, à toute une société de femmes dans les carrières de Montmartre, et Madame de Montboissier était envoyée au couvent pour y expier sa participation à ces scènes magiques. La curiosité du diable travaillait sourdement les pensées de la femme, et tout le printemps de cette même année, on eut à rire de la mésaventure de deux dames, la marquise de l'Hôpital et la marquise de la Force, qui avaient voulu voir le diable, averties par la sorcière qu'elles ne le verraient qu'une fois déshabillées. Elles avaient été dépouillées par elle de leurs vêtements, de leur argent, de leur linge, et laissées dans un état de nudité qu'un commissaire constata. Le diable, étrange apparition dans le siècle de Voltaire, étrange obsession qui montre le besoin furieux du surnaturel chez la femme du temps. Gagné par le froid et la sécheresse de la science et de la logique du siècle, par son esprit pratique, net, incisif et positif, ne trouvant plus dans la religion des élans d'imagination, des visions de tête, la femme aspirait instinctivement à ce merveilleux qu'est l'aliment et l'enivrement de son âme. Elle était disposée et d'avance attachée à ces faux prodiges qui enlèvent la pensée de son sexe à la vérité des choses, ses sens même à la réalité des faits. Aussi, pendant tout le siècle, la voit-on montrée comme une impatience de se livrer au thaumaturge. Elle appelle la jonglerie, elle y aspire, elle s'y voue. Celles qui ne rêvent point au sabbat, celles qui n'invoquent pas le diable, on les trouve, quand le siècle commence, chez la vieille marquise de Deux-Ponts au couvent de Bellechasse, aux représentations extatiques des convulsionnaires. Puis, quand l'enthousiasme des convulsions est passé, l'idolâtrie court à Mesmer apportant le magnétisme et ses mystères, le somnambulisme et ses miracles, le merveilleux de la science, le surnaturel de la médecine. Et quel engouement, quel culte autour de l'initiateur, quelle dévotion au fluide. Le mesmérisme est confessé par Madame de Gléon, par Madame de Saint-Martin. Il est prêché aux incrédules par la marquise de Coeslin, l'adepte émérite sous la présidence de laquelle se font les expériences de Monsieur de Puységur. Il est vengé des persécutions, c'est-à-dire des parodies, par la duchesse de Villeroy, qui chasse Radet de chez elle pour avoir fait jouer le baquet de santé et voulu conduire, nouvel Aristophane, le nouveau Socrate Mesmer à la ciguë. Et pour couronner toutes les magies du siècle, où il faut à la femme des charlatans qui lui remplacent Dieu et des fantasmagories qui lui servent de foi, en même temps que Mesmer et le mesmérisme, voici Cagliostro. Voici le martinisme qui évoque les ombres et fait souper les vivants avec les morts. La vieillesse de la femme avait en ce temps un autre refuge que la foi ou la crédulité. Elle avait cette grande ressource, cette occupation à la mode, cet emploi de la vie inventé par le XVIIIe siècle pour la maturité de l'âge, le bureau d'esprit, c'est-à-dire une espèce de retraite du cœur dans les plaisirs de l'intelligence, dans la paix et l'aimable volupté des lettres. Invention charmante, qui devait donner aux dernières années, aux dernières passions de la femme, comme une grâce de spiritualité et de délicatesse, à son âme même une légèreté dernière, une élégance suprême. Ce rôle, dans lequel la femme intelligente se réfugie au XVIIIe siècle, est d'ailleurs un grand rôle, le plus grand peut-être qu'une femme puisse jouer au milieu de cette société, qui n'a d'autre Dieu que l'esprit, d'autre amour ou du moins d'autres curiosités que les lettres. les bureaux d'esprit sont les salons de l'opinion publique, et qu'importe leur maîtresse, qu'elle soit de bourgeoisie ou de finance, ils écrasent, ils effacent les plus nobles salons de Paris. Ce sont les salons qui occupent l'attention de l'Europe. Les salons où l'étranger brigue l'honneur d'être admis. Ils disposent du bruit, de la faveur, du succès. Ils promettent la gloire. Ils mènent à l'académie. Ils donnent un public aux auteurs qui les fréquentent, un nom à ceux qui n'en ont pas, une immortalité aux femmes qui les président. Et c'est par eux que tant de femmes gouvernent le goût du moment, l'éclair ou l'aveugle, lui commandent l'idolâtrie ou l'injustice. Car cette puissance des bureaux d'esprit est trop grande, trop enivrante, pour que la femme n'en fasse pas abus et ne la compromette pas par la partialité, l'appréciation passionnée, le zèle, le défaut de mesure, l'esprit d'exclusion. Il arrive que chaque bureau d'esprit borne le cercle du génie, de l'imagination, du talent, à la table de ses soupers. Beaucoup commencent par être un parti et finissent par être une coterie, une petite famille de petites vanités qui arrêtent le monde à leur ombre, le bruit à leur nom, la littérature à la porte du salon qui les caresse. C'est alors qu'on voit naître et grandir, avec la coquetterie d'esprit, la fureur des réputations, l'usurpation de la popularité, l'intrigue et les ménagements, l'art de louer pour se faire louer, l'art d'intéresser la renommée, un peu par soi-même, beaucoup par les autres. Défauts et ridicules ordinaires de sociétés pareilles, pour lesquels la postérité aura sans doute plus d'indulgence que la comédie du temps. Dora lance contre les bureaux d'esprit sa comédie des preneurs, pleine de vers heureux, frappés à la Grosset, et qui font portrait. Le public reconnaît une des grandes maîtresses de la littérature et de la philosophie, Mademoiselle de Lespinasse, tantôt sous le masque d'Aiglée, dont le poète dit « Elle parle, elle pense, elle est comme un homme ». Tantôt sous les traits de Madame de Norville, l'héroïne de la pièce, que Dora montre à l'œuvre, occupée à forger une de ses gloires à la Guibert, que le public, par nonchalance, consent à recevoir des mains d'une femme, une de ses gloires qu'on souffle comme le verre, et qui vole pendant 3 mois au moins dans les cercles et les soupers. Et qui ne met le nom sur cette marraine de grands hommes, surprise et représentée au vif, en plein travail de protection, en plein embauchage de succès et de célébrité, surprenant l'opinion, l'étourdissant par des mots et des éloges jetés de sa maison à tous les échos, jurant que tout Paris s'arrachera le génie qu'elle couve, que la cour le trouvera divin, vouant à l'obscurité tous les gens qui n'ont pas encore soupé chez elle, et s'engageant à les faire haïr de ses amis les électeurs, à les faire abhorrer de l'Angleterre. Madame Geoffrin n'était point oubliée dans la satire. C'est mercredi essuyait l'ironie du verre. Ce n'est que ce jour-là qu'à Paris l'on raisonne. Et la scène des étrangers, attendant Madame de Norville à dîner pour décider l'Europe à adopter les mœurs de la maison, était à l'adresse du salon où presque toute l'Europe passa en visite, à l'adresse de la femme que l'Allemagne, l'Autriche, la Pologne reçurent comme elles auraient reçu l'ambassade de l'esprit de la France. Mais un si grand salon méritait mieux. Et bientôt il avait l'honneur d'une satire spéciale, le bureau d'esprit, persiflage assez brutal, parfois grossier, de ce séminaire d'académiciens, de ce prytané des encyclopédistes, où le chevalier de Rutlige faisait successivement défiler la harpe sous le nom de Duluth, Marmontel en Faribole, Thomas en Thomassin, l'abbé Arnaud en Calcès, le marquis de Condorcet en marquis d'Osimon, d'Alembert en rectiligne, le baron d'Holbach en cucurbitain, Diderot en cocus, un carnaval de philosophes mené par Madame de Faulincourt, une caricature de Mardi Gras dont on levait sans cesse le masque avec une allusion au voyage à Varsovie. Laissons la satire et entrons avec les mémoires du temps, avec l'histoire, dans les bureaux d'esprit du siècle. Le premier que l'on rencontre conservait les traditions du XVIIe siècle. Il était tenu par une femme qui continuait la doctrine morale du passé. Cette femme, qui avait présenté à son fils la gloire de l'honnête homme comme le but de l'ambition. Madame de Lambert était une personne de discipline et de règles, délicate et sévère, pensant et voulant qu'on pensât bien différemment du peuple sur ce qui se nomme morale et bonheur, appelant peuple tout ce qui pense bassement et communément, en sorte qu'elle voyait bien du peuple à la cour. À cette rare élévation d'âme, elle joignait un esprit exercé, raffiné, menu, et la définition tout à la fois fine et haute qu'elle a laissée de la politique et de l'art de plaire nous donne une suffisante indication de sa physionomie de maîtresse de maison, le ton et la manière de sa grâce. À Madame de Lambert, comme à son salon, on ne pouvait guère reprocher qu'un retour, un peu au-delà de Madame de Maintenon, vers l'hôtel de Rambouillet, et un trop grand respect de ce qu'un de ses amis appelait les barrières du collet monté et du précieux. Dans ce salon, qui ne vit jamais de cartes, tous les mercredis, après un dîner où figuraient Fontenelle, l'abbé de Mongot, Sassy, le président Hénault et les meilleurs des académiciens, on faisait lecture des ouvrages prêts à paraître, on ébauchait leur réussite dans le monde, on annonçait et on baptisait leur avenir. Et l'on ne faisait point seulement la fortune des livres, on faisait encore la fortune des gens. Au milieu de la causerie, on essayait les candidatures, on arrangeait les futures élections de l'Académie, dont Madame de Lambert ouvrit les portes à plus de 20 de ses protégés, car ce fut elle qui eut la première l'honneur et l'adresse de faire de son salon l'antichambre de l'Académie. Madame Geoffrin et Mademoiselle de Lespinasse ne firent que lui succéder et redonner les fauteuils qu'elle avait déjà donnés. Ses conférences littéraires duraient toute l'après-midi du mercredi. L'après-midi passé, tout changeait, la scène et les acteurs. Un nouveau monde, des jeunes gens, des jeunes femmes s'asseyaient à un brillant souper et la gaieté d'une galanterie décente, faisant taire le souvenir des lectures, chassait le bruit du matin. Cette pauvre Madame Fontaine-Martel, que Voltaire enterre si lestement dans une de ses lettres, recevait une société presque entièrement composée de beaux esprits, à l'esprit desquels elle se prêtait sans trop l'entendre, et de femmes rares pour le temps, de femmes sans amant déclaré. Madame Denis tenait un autre petit salon d'esprit et donnait aux lettres de bons soupers bourgeois, sans façon et fort gai, où éclatait la folie de Sitteville, le gros rire de l'abbé Mignot et de quelques abbés gascons. Voltaire venait s'y mettre à l'aise lorsqu'il pouvait échapper à la marquise du Châtelet et au souper du grand monde. Presque aussi éloigné du salon de Madame de Lambert que l'arbre de Cracovie de l'hôtel de Rambouillet, un autre salon était le bureau des nouvelles de Paris, le cabinet noir, où l'on décachetait l'histoire au jour le jour, l'écho et la lanterne magique des choses et des faits, des hommes et des femmes, de la chair, de l'académie, de la cour, de tous les bourdonnements et de toutes les silhouettes. Salon envié, couru, redoutable, où l'admission comme paroissien était un grand honneur. Ce salon, Madame Doublet le tenait au couvent des filles Saint-Thomas, dans un appartement où elle passa 40 ans de suite sans sortir. Là, présidait, du matin au soir, Bachaumont coiffé de la perruque à longue chevelure inventée par le duc de Nevers. Là siégeaient l'abbé Legendre, Voisenon, le courtisan de la maison, les deux Lacurnes de Sainte-Palaye, les abbés Chauvelin et Exopi, les Falconet, les Mérand, les Mirabeau, tous paroissiens arrivant à la même heure, s'asseyant dans le même fauteuil, chacun au-dessous de son portrait. Sur une table, deux grands registres étaient ouverts, qui recevaient de chaque survenant l'un le positif et l'autre le douteux, l'un la vérité absolue et l'autre la vérité relative. Et voilà le berceau de ces nouvelles à la main, qui par le tri et la discussion prirent tant de crédit que l'on demandait d'une assertion « Cela sort-il de chez Madame Doublet ?» Et comme ces nouvelles copiées par les laquais de la maison couraient la ville et s'envoyaient en province par abonnement de 6, 9 et 12 livres par mois, comme elles étaient sous le nom de la feuille manuscrite, une sorte de petite presse libre qui ne ménageait point les critiques au gouvernement, le lieutenant de police s'occupait fort dès 1753 d'arrêter les nouvelles de Madame Doublet et de modérer le ton de son salon. Il lui signifiait, de la part du ministre d'Argenson, de faire cesser les discours peu mesurés qui se tenaient chez elle, d'en empêcher la divulgation, d'éloigner de chez elle les personnes qui les tenaient. Madame Doublet promettait de s'amender, mais les registres, les nouvelles, le mauvais esprit des causeurs reprenaient si bien leur train que le ministre, un ministre que Madame Doublet avait l'honneur d'avoir pour neveu, M. de Choiseul écrivait « D'après les malheurs qui sortent de la boutique de Madame Doublet, je n'ai pas pu m'empêcher de rendre compte au roi de ce fait et de l'imprudence intolérable des nouvelles qui sortent de chez cette femme, ma très chère tante. En conséquence, Sa Majesté m'a ordonné de vous mander de vous rendre chez Madame Doublet et de lui signifier que s'il sort de Réchef une nouvelle de sa maison, le roi la renfermera dans un couvent, d'où elle ne distribuera plus des nouvelles aussi impertinentes que contraires au service du roi. En dépit de la menace, Madame Doublet persévérait. Elle ralliait de nouveaux frondeurs, Foncemagne, Devaux, Mérobert, d'Argental, des frondeuses, qui s'appelaient Madame du Rondet, de Villeneuve, de Beuzeval, du Bocage, et cette petite fronde, qui allait devenir quelques années plus tard le journal de Bachaumont, recommençait dans son salon plus vive, plus animé, enhardi par son intime amie, Madame d'Argental, que l'on voyait bientôt organiser, avec la plume de son valet de chambre Gilet, un nouveau débit de nouvelles. Dans le monde de la finance, un salon appartenait au bel esprit, c'était celui de Madame Dupin, qui eut un moment pour précepteur de son fils Rousseau, auquel, au dire des méchants, elle donnait congé les jours où les académiciens venaient chez elle. Mais le grand bureau d'esprit de cette première moitié du XVIIIe siècle fut un salon où l'esprit semblait être chez lui, où l'intelligence avait ses coudées franches, où l'homme de lettres trouvait l'accueil, la liberté, le conseil, l'applaudissement qui enhardit, le sourire qui encourage, l'inspiration et l'émulation qui donnent à l'imagination, à la parole, ce public charmant, une maîtresse de maison qui écoute et qui entend, qui saisit les grands traits et les nuances, qui sent comme une femme, qui juge comme un homme. Ce salon était celui de l'ancienne maîtresse de Dubois, de cette madame de Tencin, qui rendant aux lettres la protection familière et maternelle de mademoiselle de la Sablière, donnait au premier de l'an en étrenne à sa ménagerie, à ses bêtes, deux aunes de velours pour le renouvellement de leurs culottes. Dans ce salon, le premier en France où l'homme fut reçu pour ce qu'il valait spirituellement, l'homme de lettres commença le grand rôle qu'il allait faire dans le monde de ce temps, et ce fut de là, de chez Madame de Tencin, qu'il se répandit dans les salons et s'éleva peu à peu à cette domination de la société qui devait lui donner à la fin du siècle une place si large dans l'État. Attention, crédit, caresse, Madame de Tencin prodigue ses grâces et son pouvoir aux écrivains. Elle les courtise, elle les attache par les services, elle les entoure d'affection. Elle en a le besoin et le goût, un goût naturel, instinctif, désintéressé, pur de toute affectation, de tout calcul d'influence, de tout marché de reconnaissance. Au milieu des fièvres et des mille travaux de sa pensée, dévorée d'intrigues, brouillant l'amour et les affaires, cette femme brûlante sous son air d'indolence court au-devant des gens de génie ou de talent, s'empresse aux amusements de l'esprit, jouit d'une comédie, d'un roman, d'une saillie avec une âme, un cœur, une passion qui paraissent échapper à sa vie et se donner tout entier à la joie de son esprit. Aussi que de vie spirituelle, que de mouvement, que de vivacité d'idées et de mots dans le salon animé par cette femme et composé pour ses plaisirs exclusivement d'hommes de lettres. Ici, Marivaux mettait de la profondeur dans la finesse. Là, Montesquieu attendait un argument au passage pour le renvoyer d'une main leste ou puissante. Méran lançait une idée dans un mot. Fontenelle faisait taire le bruit avec un de ces jolis contes qu'on croirait trouver entre ciel et terre, entre Paris et Badinopolis. Les trois salons de Madame du Deffand, de Madame Geoffrin, de Mademoiselle de l'Espinasse rappelleront cette conversation du salon de Madame de Tencin. Ils ne la feront pas oublier à ceux qui l'auront entendue. Une femme qui avait renoncé au projet d'être heureuse, mais qui poursuivait l'illusion d'être amusée, une femme rassasiée des autres, mais dégoûtée d'elle-même, et qui eût mieux aimé, comme elle disait, le sacristain des minimes pour compagnie que de passer ses soirées toute seule, une aveugle qui n'avait plus d'autre sens, d'autre tact, d'autre lumière et d'autre chaleur dans ses ténèbres et ses sécheresses que l'esprit, Madame du Deffand, appelait continuellement auprès d'elle pour s'aider à vivre, la suprême distraction du temps, le bruit de la conversation et du monde, des personnes et des idées. À peine si l'écho avait le temps de reposer dans ce salon tendu de moire aux nœuds couleur de feu, dans cet appartement de la rue Saint-Dominique, au couvent de Saint-Joseph, habitué au silence des retraites de Madame de Montespan. Ce n'était point assez que les soupers de tous les jours à trois ou quatre personnes, les soupers si fréquents où la table était ouverte à 12 ou 13 personnes. Madame du Deffand donnait chaque semaine, d'abord le dimanche, puis le samedi, un grand souper où passaient les plus grands noms et les plus grandes dames, où se rencontraient, sans se combattre et sans se fuir, les plus grandes inimitiés, Madame d'Aiguillon, Madame de Mirepoix, la marquise de Boufflers, Madame de Crussol, Madame de Beauffremont, Madame de Pontevel, Madame de Gramont, les Choiseul, les duchesses de Villeroy, d'Aiguillon, de Chabrian, de la Balière, de Fort-Calquier, de Luxembourg, de Lauzun, le président Hinault, M. de Gontaut, M. de Stainville, M. de Guines, le prince de Beauffremont. Et dans l'année, Madame du Deffand avait encore un plus grand jour de réception, le souper du réveillon, où elle donnait à tous ses amis, dans une tribune ouvrant d'une de ses chambres sur l'église de Saint-Joseph, le plaisir d'entendre la messe de minuit et la musique de Balbâtre. Ce salon du Madame du Deffand, où Clairon venait réciter les rôles d'Agrippine et de Phèdre, était tout plein, tout occupé des nouvelles et des questions littéraires. Il avait le ton et les goûts de sa maîtresse. Le livre du jour, la pièce nouvelle, le pamphlet ou le traité philosophique y étaient jugés au courant de la causerie, feuilletés pour ainsi dire du bout du doigt par ce grand monde du XVIIIe siècle qui savait toucher à tout. Le grand monde venait y causer, y rimer, y entendre une chanson, donner son mot, un mot toujours vif et personnel sur le succès et le grand homme du moment. Car c'était là le caractère particulier du salon de Madame du Deffand. Il était le bureau d'esprit de la noblesse. Fermé aux artistes, n'accueillant que les hommes de lettres appartenant ou du moins s'imposant à la plus haute société, il réunissait presque exclusivement tout cet intelligent et charmant public des lettres, les hommes et les femmes de cour, échappant à Madame Geoffrin, résistant aux avances de son hospitalité, aux commodités même des petits soupers, des quadrilles d'hommes et de femmes qu'elle imaginait pour attirer chez elle, par les charmes et les facilités d'une partie carrée, les grands noms qu'elle ne pouvait avoir. Tout ce que la société des gens de lettres pouvait attribuer en ce temps de considération sociale, et même de pouvoir sur l'opinion publique, se révéla par un grand et prodigieux exemple, dans cet autre salon, le salon de l'encyclopédie, le salon de Madame Geoffrin. On vit, pour son accueil à toute la littérature, un salon bourgeois s'élevait au premier rang des salons de Paris, devenir un centre d'intelligence, un tribunal de goût où l'Europe venait prendre le mot d'ordre et dont le monde entier reçut la mode des lettres françaises. On vit une femme sans naissance, sans titre, la femme d'un entrepreneur d'une manufacture de glace, riche à peine de 40 000 livres de rente, faire de ses invitations une faveur, presque une grâce, faire d'une présentation chez elle un honneur qui troublait les gens les moins timides et jusqu'à Piron lui-même, et cela pour souper le plus souvent, dit Marmontel, avec une omelette, un poulet, un plat d'épinards. Une figure de vieille femme fort avenante, un esprit naturel, juste, fin, dont la malice avait un tour rustique, un art de jouer de l'esprit de ses hôtes et d'en tirer tous les sons, un égoïsme bien appris, plein de discrétion, une préoccupation de procurer le plaisir, de le faire naître, qui l'a poursuivi jusqu'au lit de mort. Une tête bien garnie de réflexions et de comparaisons, dont elle avait, disait-elle, un magasin pour le reste de ses jours. Une grande gaieté, lorsqu'elle comptait, une vanité tournée à être sans prétention, une connaissance du monde tirée à l'observation, et non de la lecture, une ignorance aimable et sans sottise, un cœur qui était un bourru bienfaisant, des opinions assez souples et qui pliaient sous la contradiction, une estime fort médiocre, ou plutôt, un mépris très froid et très poli de l'humanité, tel était l'ensemble de vices, de vertus, d'agréments, de défauts et de qualités auxquels Madame Geoffrin dut, sinon son charme, au moins sa fortune et la gloire de son salon. La maison de cette femme attirait, comme cette femme même, sans séduire, par la netteté, l'ordre, la propreté, les aises de toutes sortes, une certaine recherche cachée, une élégance voilée, simple, presque nue. Tout était commode jusqu'au mari, un mari qui s'effaça par convenance tout le temps qu'il vécut et qui se réduisit de la meilleure grâce au rôle d'intendant et de plastron. Cette maison, cette femme, recueillait tous les survivants du salon de Madame de Tencin. À ces beaux esprits, aux hommes de lettres venus après eux, à tout ce qu'il y avait de connu ou de fameux, Madame Geoffrin consacrait toutes ses soirées. Le mercredi, elle réunissait toute la littérature à un grand dîner. Un autre jour de la semaine, le lundi, le grand dîner de Madame Geoffrin était donné aux artistes. Son salon se remplissait de tous ces hommes de talent, exclus des salons du grand monde, à peine admis dans quelques salons de la finance, et que la première elle caressait, les faisant travailler, les allant voir dans leur atelier. Vandelot, Greuze, Vernet, Vien, Lagréné, Robert arrivaient, et Madame Geoffrin prenait leur voix sur quelques tableaux anciens apportés dans son salon et dont un amateur avait envie. Ou bien c'était quelques beaux dessins des écoles anciennes, tirés par Mariette de ses portefeuilles, et qui passaient de main en main, au milieu des exclamations, des remarques, des admirations. Quelquefois Caylus y contait une jolie anecdote, et sur le goût que la société prenait à son récit, il s'amusait à en faire graver le sujet pour tous les habitués du lundi. Lundi et mercredi, ses grands dîners de l'art et de la littérature, ses réceptions de Madame Geoffrin eussent été les fêtes les plus belles, la communion cordiale, le repas libre et joyeux de tous les esprits et de tous les talents du XVIIIe siècle, si la maîtresse de maison n'y avait jeté par moments le froid de son âme, le froid de sa raison, les avertissements et les arrêts d'une prudence ennemie de la passion et de l'entraînement, son humeur de gronderie, et cette éternelle et glaciale approbation. « Allons, voilà qui est bien !» Un mot qui tombait avec une douceur morte de la bouche de Madame Geoffrin, sur la chaleur de la parole, sur l'enthousiasme de la pensée, sur l'emportement où l'éloquence de la conversation est passée comme un souffle éteignant tout. Mademoiselle de Lespinasse n'était pas assez riche pour donner à dîner ou à souper. Elle se contentait de faire ouvrir tous les jours par le seul valet qu'elle eut les portes d'un salon où se pressaient depuis 5 heures jusqu'à 9 heures des hommes d'église, des hommes de cour, des hommes d'épée, les étrangers de marque, les hommes de lettres, l'armée de l'encyclopédie défilant à la suite de D'Alembert, tout un monde qu'elle avait habitué à remonter son escalier presque tous les jours, en renonçant pour le recevoir au théâtre et à la campagne, où elle n'allait presque jamais. Encore ne manquait-elle pas, en cas de sortie, d'annoncer longtemps à l'avance le congé qu'elle se décidait à prendre. Chez Madame Geoffrin, le caractère de la maîtresse de la maison, naturellement modéré, ses timidités peureuses, empêchaient la conversation d'aller à beaucoup de sujets, de s'enhardir, d'éclater. La terreur qu'elle avait d'être compromise, d'être troublée dans cette paix égoïste qui était son bonheur d'élection et l'objet de tous ses soins, son éloignement pour le bruit de la passion et de la parole, la police un peu sévère, souvent même exagérée, que faisait dans son salon, et sous ses ordres, le bénédictin Burigny, la menace de ses gronderies du coin du feu dont elle était si peu avare, la discipline imposée par sa personne, ses goûts, ses habitudes, tenait chez elle les hommes et les idées, les caractères et les expressions dans une certaine contrainte. Le salon de Mademoiselle de Lespinasse ne connaissait rien de ses gênes et de ses restrictions. Les tempéraments y étaient libres, les personnalités avaient le droit d'y être franches. Aucune question n'était réservée. Religion, philosophie, morale, contes, nouvelles, médisances de tous les mondes, on y touchait à tout. L'anecdote y arrivait toute fraîche, le système s'y exposait tout vif, et l'on s'y entretenait avec une liberté arrêtée seulement à l'indécence et qui laissait la parole à la causerie de Diderot. Merveilleusement douée pour son rôle, femme spirituelle entre toutes, tirant du fond de son âme singulièrement aimante une politesse nuancée pour tout le monde d'un ton d'intérêt, vive, brillante, féconde, animée du feu de son être, ayant l'échappée, la lecture, la saillie, soutenue de lectures immenses et de cette universalité de connaissances qui permet la réplique sur toute chose, habile encore à s'effacer et à laisser la place et le hautbout à l'esprit des autres, Mademoiselle de Lespinasse possédait le génie délicat, profond, aimable, attentif de la maîtresse de maison. Et nul surtout ne savait, comme elle, ramener tous les apartés à la conversation générale. Le salon de Madame Geoffrin était le salon officiel de l'encyclopédie. Le salon de Mademoiselle de Lespinasse en était le parloir familier, le boudoir et le laboratoire. C'était là que se travaillaient les succès du parti, là que se rédigeaient les éloges, là qu'on dictait les opinions du jour à la postérité, là que grandissait le despotisme philosophique sous lequel D'Alembert arriva à courber l'Académie. Et tant de grandes places étaient données dans ce salon, tant de grands hommes y étaient inventés, tant de célébrités y étaient distribuées par la passion d'une femme, que celle qui le tenait eut la même gloire et les mêmes ennemis que Madame Geoffrin. Le salon de Madame d'Épinay qui, malgré ses alliances, dit le comte d'Allonville, n'appartenait pas à la bonne compagnie, ce salon, qui se fermait peu à peu aux gens du grand monde, qui le fréquentaient d'abord, devenait un salon encyclopédique où Madame d'Épinay philosophait et coquetait avec ses ours. Un autre portique de l'encyclopédie était le salon de Madame Marchais, le salon qu'elle tenait aux Tuileries dans le pavillon de Flore, lorsqu'elle ne jouait pas l'opéra à Versailles, à côté de sa grande amie, Madame de Pompadour, qui aimait à lui voir partager ses succès de théâtre sur le spectacle des petits appartements. Ce salon de la philosophie différait pourtant des autres salons philosophiques par un caractère, par un intérêt et un personnel qui lui étaient propres. Il était avant tout le salon du produit net. Sur la cheminée, sur les tables, on ne voyait que brochures et questions économiques, lettres de Turgot à l'abbé Terray, dialogue de l'abbé Galliani sur les grains. Madame Marchais avait été convertie par Madame de Pompadour à la science de son fameux ami Quesnay, et elle avait embrassé avec tant de dévouement la cause du maître, elle était si zélée pour les intérêts du parti, que ce fut de son salon que vint à l'Académie l'idée de proposer l'éloge de Sully, où tous les principes de l'économiste de Madame de Pompadour eurent la parole, le couronnement et l'apothéose. Mais Madame Marchais gardait dans ce beau zèle ce qui sauve la femme de la pédanterie, les pompons, les fanfioles, sous lesquels disparaissent les livres d'études, la légèreté vive, l'imagination de l'esprit, le sourire et le coup de dent. Son amabilité n'avait pas la plus petite tache d'encre au bout des doigts. Grande liseuse, elle s'en raillait plaisamment avec ce mot « Je lis tout ce qui paraît, bon et mauvais, comme cet homme qui disait « Que m'importe que je m'ennuie, pourvu que je m'amuse ?» Et il tirait de ses lectures en tous sens une variété de thèmes nouveaux qui réveillaient sans cesse la causerie, mille anecdotes qu'elle contait avec un art de dire si merveilleux qu'il passait pour le plus parfait de Paris. Puis, elle avait une politesse de ton enchanteresse. Toujours attentive, elle était à tous, elle parlait à chacun, et l'à propos, la mesure, la nuance et la convenance du mot semblaient lui venir à la bouche naturellement, selon la personne et le moment. Elle attachait encore, par les vertus de caractère, par ses qualités morales qui lui ont valu l'honneur de servir de modèle à Thomas pour peindre la femme aimable telle que la rêvait le siècle, une femme qui, prenant du monde tous les charmes de la société, le goût, la grâce, l'esprit, aurait pu sauver sa raison et son cœur d'une vanité froide, de la fausse sensibilité, des fureurs de l'amour-propre, de tant d'affectations qui naissent de l'esprit de société poussé trop loin. Celle qui, asservie malgré elle aux conventions, aux usages de ce monde, se retournerait vers la nature de temps en temps pour lui donner un regret. Celle qui, entraînée par le mouvement général, sentirait le besoin de se reposer auprès de l'amitié. Celle qui, entraînée par le mouvement général, sentirait le besoin de se reposer auprès de l'amitié. Celle qui, par son état, forcée à la dépense et au luxe, choisirait les dépenses utiles et associerait l'indigence industrieuse à sa fortune. Celle qui, parmi tant de légèreté, aurait un caractère. Celle qui, dans la foule, aurait conservé une âme et le courage de la faire parler. Thomas, qui avait l'habitude des éloges, n'a oublié qu'un trait du portrait. Madame Marchais avait des ennemis et méritait d'en avoir. Elle les avait bien gagnés. Très spirituelle, elle était un peu méchante, et sa malice s'aiguisait dans la société de M. de Bièvre, qui passait sa vie avec elle, de Laclos et du terrible marquis de Créqui. À cela près, elle était très aimée, très recherchée, très courue. À ses soupers, à ses magnifiques soupers étalant les plus beaux fruits de Paris, en voix galant de M. d'Angevilliers, pris dans les potagers du roi et qui firent donner à Madame Marchais le nom de Pomonque, on voyait passer la cour, la société de Madame Geoffrin, la société de Madame Necker, la société de Madame du Deffand, et Madame du Deffand elle-même, qu'on entendit dans ce salon, le soir de la mort de son ami Pontevel, laisser échapper ce mot d'une si belle naïveté. « Hélas, il est mort ce soir à 6 heures. Sans cela, vous ne me verriez pas ici. » Sans être jolie, Madame Marchais, réputée pour être la plus petite et la plus mignonne personne de France, tirait mille grâces de sa délicatesse, de sa tournure de jeune fée, de l'éblouissante mobilité de sa physionomie, de la beauté singulière de sa chevelure adorablement nuancée et lui tombant jusqu'aux pieds. Un salon qui commença par être le petit salon des hôtes de Madame Marchais se mit à grandir en ce temps et bientôt absorba tout. Tenu d'abord au marais, où venait soupirer, selon la plaisanterie de Diderot, la tendre grenouille de Suard, transportée à l'hôtel Leblanc, et de là, installée dans l'hôtel du contrôle général, Ce salon suivit la fortune de son maître, M. Necker, et la femme du ministre en fit comme un ministère. Ramenée de Genève par la maréchale d'Anville, placée près d'une sœur de Mme Télusson pour veiller à l'éducation de ses filles, Mme Necker était restée genevoise et institutrice. Elle avait une politesse sans aisance, des grâces d'esprit sans abandon, des grâces de cœur pédantes, les grands sentiments d'un roman moral du temps sur l'humanité, une décence méthodique, un sourire sérieux, une vertu à laquelle la correction et, si l'on peut dire, le purisme enlevaient la chaleur. Auprès d'elle, Galliani cherchait en vain sa verve et ne la retrouvait plus, et l'abbé Morlaix, si bouillant, s'arrêtait dans ses colères et ses explosions philosophiques. Mais cette femme était la femme qui couronnait Marmontel. Elle faisait de son salon le salon d'où partait l'idée de la statue et de l'apothéose de Voltaire vivant. Sa fille d'ailleurs, Madame de Staël, rachetait toutes les froideurs de la maison par la flamme qu'elle y portait en courant, par l'abondance des idées, par toutes les audaces de la jeunesse et d'un génie vivant, libre, naturel, faisant le bruit d'un grand cœur dans un grand esprit. Puis, à ce salon de Madame Necker, tout aboutissait, l'opinion publique comme la littérature, la politique comme la poésie. Et tandis que la popularité de Necker se levait de toute une nation, toute la société se tournait vers le salon de cette femme qui, à tout le bruit de son nom, ajoutait le bruit de ses charités et faisait appeler sa maison un bureau d'esprit et de commisération. Quand on descend de ces grands salons littéraires, véritables académies de l'opinion publique, au bureau d'esprit secondaire, moins fameux, moins bruyant, renfermé dans un cercle plus étroit d'habitués et d'influences, le premier que l'on rencontre est le salon de Madame La Ferté-Imbault, cette fille dont Madame Geoffrin était aussi étonnée d'être la mère qu'une poule ayant couvé un œuf de canne. Cette jeune femme gaie, d'une gaieté intarissable, d'une gaieté immortelle, disait Maupertuis, parce qu'elle n'était fondée sur rien, avait installé sur la terrasse de sa maison, sa campagne, comme elle l'appelait, un bureau, ou plutôt un boudoir d'esprit, où l'esprit semblait en plein vent. Ce n'était que paroles étourdies, épigrammes légères, pareilles à celles dont le ministère Maupoux avait été enveloppé, propos piquants, jetés de toutes mains, lancés à la volée par la maîtresse de la maison contre les uns, les autres, et surtout contre les philosophes attablés et mangeant à sa succession. De tout cet esprit moqueur qu'elle raillait et répandait, Madame de La Ferté-Imbault avait fait un ordre dont le sceau portait son effigie, un ordre dont elle avait la grande maîtrise sous le nom de souveraine de l'ordre incomparable des Lanturellus, protectrice de tous les lampons, lamponnes, lamponnais. Cet ordre bouffon faisait renaître un moment la grande guerre des chansons et le refrain des calotines, en inspirant à un plaisant du salon Maurepas ce portrait ironique de la grande maîtresse des Lanturellus, de la marquise Carillon. Qui veut avoir, trait pour trait, de Dame Imbault le portrait? Elle est brune, elle est bien faite, elle plaît sans être coquette. Lampon, lampon, camarade, lampon. Sans doute elle a de l'esprit. Écoutez ce qu'elle dit. Elle parle comme un livre, composé par Nomivre. Lampon, lampon. Madame du Bocage donnait de certains jours à souper. Mais son salon ressemblait à sa politesse froide, triste et n'attirant pas. C'était un cours sérieux jusqu'à l'ennui, entre des politiques, des savants et quelques gens de lettres, sur les publications nouvelles. Un cours présidé par le familier de Madame du Bocage, l'abbé Mably, qui faisait chez elle une si impitoyable exécution des livres de Necker. Il y avait le salon et la société de Madame de Fourqueux, égayée par les mystifications du fameux Goy jouant le personnage et le sexe de la chevalière Déon. La veuve d'un médecin du duc de Choiseul, Madame de Vernage, tenait rue de Ménard un salon de littérateurs et de philosophes, dont elle croyait avoir fait le premier salon de Paris, parce qu'il avait l'honneur des visites de l'archevêque de Toulouse, l'Homénie de Brienne. Puis c'était encore le salon de cette comtesse Turpin, « Minerve quand elle pense, Erato quand elle écrit », disaient les poètes du temps, salon que Voisenon charmait, qu'emplissaient ses amis. Venait le salon d'une Madame Briffaut, fille d'une cuisinière, mariée à un marchand fait écuyer par Madame du Barry, citée comme une des plus jolies femmes de Paris et qui, pour se décrasser, s'était formée une société d'écrivains, de gens à talent et d'artistes. Le salon de Madame Panelier, qui avec sa petite coterie littéraire et ses dîners du mercredi, essayait de lutter avec le bureau d'esprit de Madame de Beauharnais. Le salon de Madame Élie de Beaumont, la femme auteur, qui donnait tous les soirs un souper dont le fond de société était le ménage La Harpe. Le salon de la vieille Quinault, retirée de la Comédie française depuis 1742 et morte à 83 ans, le salon de la spirituelle vieille femme, chez laquelle D'Alembert, après la mort de Mademoiselle de Lespinasse et de Madame Geoffrin, avait finalement transporté ses habitudes et sa société familière. À ces centres d'art et de littérature, il faut ajouter les assemblées de gens de lettres tenues chez Madame Suard et chez Madame Saurin, à la sortie des spectacles, et enfin ce salon où les gens de la cour prétendaient s'amuser mieux qu'à Versailles, le salon de la sœur d'un petit écrivain, fort occupé à le grandir, ce bureau d'esprit, le seul tenu par une jeune femme, ce salon de Madame Lebrun, rempli d'auteurs et de critiques, et où se préparaient les battoirs pour les pièces de Vigée. Un salon hérité des habitués et de l'influence de ces deux grands salons fermés par la mort, le salon de Madame Geoffrin et le salon de Mademoiselle de Lespinasse, que D'Alembert essayait un moment de relever et de continuer. Vaine entreprise, que le philosophe abandonnait bientôt, en reconnaissant la justesse de cette remarque de Madame Necker, que les femmes remplissent les intervalles de la conversation et de la vie comme les duvets qu'on introduit dans les caisses de porcelaine. À ces deux grands salons de lettres et de la philosophie succédait le salon de Madame la comtesse de Beauharnais, l'asile de tous les hommes de lettres gênés par le ton de réserve de la maison Necker, et en peu de temps, le salon de cette femme sans jalousie, sans médisance, et toujours prête à louer, devenait le grand bureau, le bureau d'esprit le plus accrédité de Paris, où siégeaient tour à tour en maître de la maison les courtisans de Madame de Beauharnais, ses teinturiers, Dora, Lot de Boissy et Cubière. Dans les années précédant la Révolution, toute la République des Lettres s'assemblait chez la comtesse, accourait à ses vendredis, où la causerie menait la société jusqu'à 11h30, l'heure du souper. À minuit, l'on rentrait dans le salon, où les invités étaient retenus jusqu'à 5h par la maîtresse de la maison. Des lectures menaient jusqu'à 3h. Lectures de tout genre et de toute œuvre, vers, tragédies, fragments de confessions, chapitres de romans. Rétif de la Bretonne y lisait le commencement de M. Nicolas. Puis, tout ce monde animé, échauffé par ses lectures, se mettait à parler comme au sortir d'une première représentation. Il laissait le jour venir, en se renvoyant les nouvelles et les anecdotes, en faisant passer d'un bout du salon à l'autre les histoires échappées aux journaux secrets, en écoutant les curieux souvenirs du marquis de Lagrange et ses mille récits de la maîtresse de la maison, où Rétif allait puiser presque toutes les aventures des posthumes. Jeune et dans l'âge des plaisirs, nous avons vu la femme au XVIIIe siècle commencer à tourner ses grâces, son génie et de singulières aptitudes vers la politique et les faveurs ministérielles. Nous l'avons vu imiter Madame de Prie et faire comme elle rouler les amants avec les affaires. Nous l'avons entendu dire à chaque promotion, à chaque nomination, « Il faut que l'on fasse quelque chose pour ce jeune colonel. Sa valeur m'est connue, j'en parlerai au ministre. » Ou bien, « Il est surprenant que ce jeune abbé ait été oublié. Il faut qu'il soit évêque. Il est homme de naissance, et je pourrai répondre de ses mœurs. » Nous l'avons suivi dans ce patient et furieux travail de sollicitation, de protection, de patronage universel, à la cour, auprès des ministres, des maîtresses, de la société. Nous avons enfin montré la femme du temps dans ce rôle et ce règne actif qui devait faire de son sexe le premier pouvoir de la monarchie. Que cette femme vieillisse, qu'elle arrive à 40 ans, qu'elle se refuse à la dévotion, que les distractions du bel esprit, les jeux de l'imagination, les hommages des lettres lui paraissent creux et insuffisants, elle fera des affaires l'occupation et l'intérêt de sa vie même. Toutes les joies jeunes, toutes les belles passions d'illusion et d'étourdissement lui échappant une à une, l'enivrement du monde l'abandonnant avec l'enivrement de l'amour, elle se retourne vers l'ambition et vers la domination. Par ses amis, par ses protégés, par ses liaisons, par ses conseils, par ses idées, par ce qu'elle pousse et fait avancer en avant, elle veut se glisser au pouvoir. Il lui faut toucher à l'administration, au gouvernement, mettre la main au roman de l'histoire, tremper dans les plus grandes aventures, manier avec toutes les places un peu de l'État, en un mot, jouer à l'influence, à la puissance, à la fortune, à la gloire même, avec l'intrigue. On trouve au commencement du siècle une sorte de patronne et de maîtresse de toutes les femmes d'intrigue dans cette Madame de Tencin, la grande intrigante dont nous avons déjà parlé, voilée d'ombre, s'y présente à tout, donnant audience, écoutant ses espions, assistant au conciliabule des ministres, dictant, écrivant sans trêve des mémorandums, des rapports, des lettres de 10 pages, enfonçant de tous côtés ses idées, donnant à Richelieu un plan, une conduite, une consistance, faisant du courtisan une personnalité, un instrument, et un danger pour Maurepas, ce Maurepas qu'elle sonde, qu'elle perce, et dont elle touche à fond l'endroit faible avec un mot. La marine a recueilli cette année 14 millions, et n'a pas mis un vaisseau en mer, c'est là qu'il faut attaquer Maurepas. Puis, au-dessous de Madame de Tencin, à sa suite, ce sont toutes sortes de grandes dames, au génie moins audacieux et moins large, à l'esprit plus pratique, plus appliqué au profit. Ce sont des femmes qui intriguent, non parce que l'intrigue est la loi de leur caractère, une activité dont elles ont besoin, la fièvre qui les soutient et qui leur donne le sentiment de vivre, mais parce que l'intrigue est un chemin et un moyen. Non moins ardentes que Madame de Tencin et plus âpres, elles sont infatigables, prêtes à tout, aux marches, aux contre-marches, toujours remplies de combinaisons, toujours remuantes, toujours debout pour mettre des places et des honneurs dans leur maison, pour y amasser de la grandeur et des enrichissements. Il semble qu'il y ait dans leurs veines du sang de cette famille qui ne laissait personne mourir la nuit à Versailles sans être sur pied, éveillée sur l'heure, dressant déjà ses batteries, la main sur la dépouille du mort. Et ne sont-elles point toutes représentées par la vieille maréchale de Noailles? Née Burnonville, cette femme sans scrupules, qui avouait avoir usé également, presque indifféremment, du confesseur et de la maîtresse pour le gouvernement de la faveur des princes et l'avancement des siens, souvent à cet aïeul, mère de 11 filles et de 10 fils, de tant de petits-enfants et d'arrière-petits-enfants, poussée par elle aux premiers emplois de l'État, on disait qu'elle était la mère des 12 tribus d'Israël, et que sa race s'étendrait comme les étoiles du firmament. Alors il échappait à la vieille maréchale inassouvie un soupir et parfois ce mot. Et que diriez-vous si vous aviez les bons coups que j'ai manqués? Cette vocation de l'intrigue devient avec le temps une vocation générale de la femme. Elle se répand dans le monde, elle descend jusqu'au bas de la société. Elle va des femmes qui sont le conseil et l'inspiration d'un ministre aux femmes qui sont les maîtresses d'un commis de ministère. Elle commence à une princesse de Brionne, pour finir à une princesse de théâtre qui n'a pas de nom. On ne voit plus que femme d'affaires ayant audience à l'antichambre et dictant à des secrétaires des notes pour le prochain voyage de la cour. À côté de leur boudoir est un cabinet d'études. Elle raisonne, elle décide, elle se jette dans la politique. Elle rêve essentiellement, en faisant des nœuds, aux abus de l'administration. Elles entretiennent leur société des dépêches qu'elles rédigent tous les matins, des intelligences qu'elles ont dans les bureaux. À les croire, point de ministres qui ne connaissent leur écriture, point de commis qui ne la respectent. Elles vous parlent d'idées qu'elles présentent, qu'on contrarie, qu'elles discutent et qu'elles font passer. Et elles vous quittent pour le travail qu'elles doivent avoir avec un personnage dont l'influence est connue. Le tableau du siècle a tracé de la femme d'intrigue une jolie caricature à la Labruyère. Araminte affecte d'aller souvent chez le ministre. Elle demande des entretiens particuliers. On la voit passer dans le cabinet un papier à la main. Elle en sort avec un air affairé, dont elle voudrait bien que tout le monde s'aperçût. Rentrée chez elle, l'ordre est donné aux Suisses de ne la déclarer visible qu'à tous les gens à cabriolet de vernis de Martin, ou aux équipages armoriés et chargés de grandes livrées. Trouve-t-on Araminte seule? Elle demande 1000 pardons de ce qu'elle a fait attendre un moment. Comment suffire à une foule de lettres dont les bureaux l'accablent? On voit sur sa cheminée une 12aine d'épîtres tournées du côté du cachet. On y reconnaît les armes des plus grands seigneurs. « Vous devez être obsédé d'affaires, » lui dit un honnête homme de la meilleure foi du monde. « Ah, monsieur, je n'y puis suffire. Je crois que toute la cour s'est donné le mot pour éprouver ma patience. Voilà des lettres d'une longueur qui ne finit pas. Il est vrai que les objets qu'elles renferment sont de la dernière conséquence. » Un frère d'Araminte, capitaine de dragons, arrive sur ses entrefaites et prend une de ses lettres pour donner des dragées à un petit enfant. « Prenez garde, » lui dit l'étranger, « vous allez égarer des papiers très importants. »« Bon, » lui répond le capitaine, « ce sont des réponses de bonne année. » L'étrange manie des affaires est peinte plus sérieusement dans un autre livre. Et personnifiée dans la baronne d'Hercy, un portrait où le temps a voulu voir un visage, la maîtresse d'un salon, au vrai ton de la cour, léger, sémillant, persiflant, une femme qui fit des ministres, Madame Cassini. Jolie et charmante d'élégance, Madame Cassini avait commencé sa réputation de galanterie et d'intrigue sous Louis XV, en voyant les ministres, les généraux, les gens à la mode, en travaillant à placer des créatures, en jetant le discrédit sur le ministère, en donnant son blâme ou son approbation aux opérations du gouvernement. Puis, voulant prendre un vol plus haut, elle avait tenté une présentation à la cour, arrêtée par ce mot de Louis XV, « Il n'y a ici que trop d'intrigantes. Madame Cassini ne sera pas présentée. » Mais Louis XV mourait, et la fortune de Madame Cassini se levait avec le nouveau règne. Maîtresse de Maillebois, elle ouvrait à son frère M. de Peuzet les portefeuilles de son amant, où M. de Peuzet trouvait les plans, les mémoires de 1741 en Italie, dont il faisait un livre, Les campagnes de Maillebois, qui lui donnait une assiette dans le monde. Ce premier pas fait, Madame Cassini aidait son frère à se marier richement. Elle l'aidait encore, ce qui était plus utile à ses projets, à devenir l'amant de la princesse de Montbarret. La princesse menait absolument Madame de Maurepas. Madame de Maurepas menait M. de Maurepas. M. de Maurepas menait le roi, en sorte qu'être maître à ce moment de Madame de Montbarret, c'était régner en France ou à peu près. Aussi M. de Maurepas appelait-il M. de Peuzet le roi, le vrai roi. Mais plus encore que de cette liaison, le salon de Madame Cassini, le joli salon de la rue de Babylone, tirait son influence d'une correspondance secrète concertée entre le frère et la sœur, adressée au jeune roi pour guider son inexpérience, et qui faisait de Peuzet le correspondant confidentiel, le conseiller intime de Louis XVI. Les coups de cette correspondance éclataient bientôt. Terray était chassé, Montbarret devenait un directeur général de la guerre, et Peuzet amenait au contrôle général d'abord Cluny, puis Necker. Mais arrivé là, le salon Cassini, dont l'ambition grossissait, voulait faire place nette dans le ministère. Il tentait de renverser Maurepas, et Maurepas l'emportait. Maillebois livrait la correspondance secrète de Peuzet que lui avait confiée Madame Cassini, et Peuzet était exilé. Ainsi croulait toute cette fortune, un rêve d'intrigue dont rien ne restait debout, pas même le salon de Madame Cassini, ruiné par la disgrâce, bientôt discrédité par le scandale. Madame Cassini réclamait à M. Necker une pension de 3 000 livres, comme sœur de M. de Peuzet, sœur de l'auteur de son élévation, menaçant le ministre de publier les lettres qui prouvaient les intrigues et les manœuvres dont il avait usé pour arriver au ministère par le secours de cet enfant perdu de sa politique. En dehors de ces trois fins, la dévotion, les bureaux d'esprit, les intrigues de cour, une fin restait encore aux dernières années de la vieille femme du XVIIIe siècle. C'était la fin sans déchirement, sans effort, sans tracas, de la femme qui, à 45 ans, prenait la toilette et l'esprit de son âge, et sans rompre avec l'habitude de ses pensées, le train de ses relations de monde et de famille, sans sortir du cadre de sa vie, se mettait tranquillement à vivre avec la vieillesse comme avec une amie. Beaucoup de vieilles femmes ne se donnaient ni à la dévotion, ni au bel esprit, ni à l'intrigue. Ces femmes rares, qui, selon l'expression du temps, avaient eu un caractère et n'avaient pas négligé de nourrir leur raison, échappaient au besoin de se trouver un nouvel état, et elles se contentaient de faire simplement et pour elles-mêmes ce personnage de vieille femme, le plus parfait, le plus accompli peut-être, dont la société du XVIIIe siècle nous a laissé le souvenir et l'exemple. La façon dont la femme subit la vieillesse, ou plutôt l'accueil qu'elle lui fait, est un des plus grands signes de cette philosophie pratique qu'il a déjà soutenue dans le mariage. Elle se résigne au temps, sans se débattre aux mains de l'âge, avec une aisance et une sérénité singulières, un courage gai, un héroïsme enjoué, et qui ne laisse échapper de sa personne ni un murmure, ni une plainte, ni un soupir, ni un regret. Le beau rêve de son sexe est fini, mais il lui reste à devenir un homme aimable, et la voilà consolée. On croirait qu'elle a trouvé du premier coup dans les vertus d'amabilité, cette bonne humeur de l'âme, cette heureuse santé des idées, cet apaisement de la vie que la dévotion sincère cherche à trouver entre l'âge mûr et la mort. La vieille femme se détache des mémoires du temps. Elle vient doucement à l'histoire comme dans la fleur effacée d'un vieux pastel, figure de bonté et de malice, souriante à l'ombre des années entre l'indulgence et l'expérience. Elle a encore son passé dans les yeux, sur les lèvres, rayon venu du cœur, épargné par les rides. L'amour est passé par là, disait d'un mot qui dit tout le prince de Ligne en la voyant. Et ne semblait-elle pas en effet, les vieilles femmes, dans ce temps, les grand-mères de l'amour? Le tonneau où elle s'enfermait dans un coin d'appartement au premier froid rappelait ce tonneau où la gravure nous montre la fille de l'épicier, corbeille d'osier aux anses de laquelle montent les rosiers et les fleurs. C'était le confessionnal où la jeunesse venait chercher les conseils charitables, la morale humaine, l'encouragement, le secours, l'absolution. La vieille femme liait les couples, elle faisait les fiançailles, elle se réchauffait en mettant dans ses mains les mains qui se cherchaient, et penchée sur le bruit, les chansons, les passions de tout ce qui était jeune autour d'elle, elle ne sentait en elle ni aigreur, ni amertume, ni jalousie. Elle pardonnait au présent de vivre à son tour, à l'avenir d'être plus jeune qu'elle. Sa jeunesse lui revenait dans la jeunesse des autres, et le rappel de ce passé, rapporté à son souvenir par toutes les voies, ne la rendait que plus douce aux joies du monde, plus compatissante à ses faiblesses. Elle allait et venait, encourageant la gaieté qui venait à elle, fêtant le plaisir qu'elle faisait naître, préparant le chemin aux débutants, prêtant à tous la bienveillance de son attention, animant les gais propos, nouant les danses, touchant enfin et animant ce monde à toute heure avec cette béquille enchantée qui la portait, toute branlante, véritable baguette de bonne fée, dont la pomme, pleine d'or pour les pauvres, semait les charités sur son passage. Celles qui avaient été les plus jolies, les plus galantes, dont la jeunesse avait eu le plus de triomphe et d'orage, se montraient souvent les plus faciles à la vieillesse, les plus séduisantes dans ce nouveau rôle. Accoutumées à recevoir des hommages, elles se les conservaient par les charmes du commerce, la discrétion, la facilité, l'agrément. Quittant l'amour, elles cherchaient des amis, jugeant qu'à leur âge c'était, comme elles disaient, une bonne spéculation de se faire adorer. À la connaissance du monde, elle joignait les trois qualités de l'esprit du monde, le trait, le tact et le goût. Leurs paroles à la fois hardies et câlines, caressantes et garçonnières, donnaient à la causerie sa liberté piquante. Ces femmes étaient les maîtresses de salon de la France. Elles présidaient à sa conversation, elles lui donnaient la mesure, la vive allure de leurs idées et de leurs jugements, un accord naturel et toujours juste. Par des liens invisibles, par mille grâces, par le charme de leur voix adoucie, de leur accent maternel, de leur raison rieuse, elle retenait auprès des femmes, elle ralliait ce monde d'hommes qui allait à la fin du siècle déserter la vie de la société pour la vie du club. Par l'intelligence qui était en elle, comme une dernière coquetterie, elle régnait, elle gouvernait, elle ordonnait. Elle faisait les réputations, elle dictait les jugements, elle distribuait ou excusait les ridicules. Elle faisait plus, elle modérait les mœurs de la bonne compagnie, elle leur assignait leur équilibre et leur milieu entre la décence et la bégueulerie. Elle représentait la tradition tolérante et la convenance sans pruderie. Elle faisait l'ordre, elle donnait le ton, elle conservait l'étiquette des façons, des manières, au milieu de cette société dont elles étaient, selon le mot d'un contemporain, les lieutenants de police, sous l'autorité de cette adorable doyenne, la maréchale de Luxembourg. Arrêtons-nous un instant au portrait de celle-ci. Car ce n'est pas une vieille femme, c'est la vieille femme d'alors, celle qui personnifie, dans son expression la plus aimable, la vieillesse du XVIIIe siècle. Rien ne lui manque de son temps. Sa jeunesse a presque dépassé la légèreté. Il reste de ses anciennes amours une chanson fameuse qui voltige dans l'écho des salons. Depuis, elle s'était si bien rangée, elle a oublié son passé avec tant de naturel et tant d'aisance, que tout le monde autour d'elle l'oublie comme elle, et que personne ne s'avise de remarquer que sa dignité n'est faite qu'avec de la grâce. Un esprit piquant, un goût toujours sûr, lui ont acquis dans le monde une autorité qu'on respecte, qu'on aime et qu'on redoute. Elle prononce en dernier ressort sur tout ce qui entre dans la société. Elle attribue ou ôte aux gens cette considération personnelle qui leur ouvre ou leur ferme les portes de l'intimité. D'un mot, elle les fait admettre ou refuser à ces petits soupers si recherchés où l'on admet que les hommes du bel air. Elle donne aux jeunes personnes et aux jeunes gens le baptême de ce jugement décisif qui est, de Paris à Versailles, comme le mot de passe de leur figure ou de leur esprit. Sans pédanterie, sans indignation, sans grande phrase, elle fait justice des personnes, des sentiments, des façons, de la fatuité, du ton avantageux, de la confiance présomptueuse, de tout ce qui blesse la délicatesse, avec des épigrammes et des moqueries assez plaisantes pour être citées, et demeurer au dos de ce qu'elle a voulu punir ou railler. forçant les femmes à une coquetterie générale, commandant les égards aux hommes, elle est l'institutrice de toute la jeune cour, le grand juge de toutes les choses de la politesse, le dernier censeur de l'urbanité française, au milieu de l'anglomanie qui répand déjà la mode de ses fracs et de ses rudesses. Le ton, tout est là pour la maréchale, c'est l'homme, c'est la femme même. Elle juge qu'il n'est pas seulement une forme, mais un caractère, et comme une conscience extérieure de l'âme et des sentiments. Un mauvais ton accuse à ses yeux un manque de délicatesse, et elle est persuadée qu'il y a une correspondance exacte entre l'élégance des manières et l'élégance des pensées, du cœur même. Elle tient à la lettre des usages du monde, mais c'est qu'à force de les étudier et de les voir pratiquer, elle a cru y découvrir un sens, un bon sens et une finesse admirable. Pénétrant jusqu'à l'esprit de ces usages, elle s'est faite une telle idée de leur valeur morale qu'elle n'est pas éloignée de croire qu'il y a quelque chose d'agréable à Dieu, jusque dans les belles manières de le prier. Un jour, c'était à l'Isle-Adam, les dames, attendant pour la messe le prince de Conti, avaient posé dans le salon sur une table ronde leur livre d'heures. Les feuilletant par passe-temps, Madame de Luxembourg s'arrêta à deux ou trois prières, et les trouvant de mauvais goût, se mit à les critiquer furieusement. Et comme une dame essayait de défendre les prières, disant qu'il suffisait qu'une prière fût dite avec piété, et que Dieu, assurément, ne faisait nulle attention à ce qu'on appelle un bon ou un mauvais ton, « Eh bien, madame, dit vivement et très sérieusement la maréchale, ne croyez pas cela. » N'y a-t-il pas dans ce mot toute la femme et aussi la dernière superstition, je me trompe, la dernière religion de cette société polie? Cette vieille fée de la politesse eut un ange pour bâton de vieillesse. Appuyée d'une main sur sa canne, elle s'appuyait de l'autre sur le bras d'une jeune femme qui ne la quittait point et que le monde voyait toujours à ses côtés. Spectacle charmant qui semblait montrer l'esprit soutenu par la pudeur. Cette jeune femme était la petite fille de la maréchale de Luxembourg, Madame de Lauzun, cette créature accomplie qui touchait tous les cœurs d'une si tendre émotion. La jeunesse était en elle comme une douce sainteté. La naïveté, la noblesse, une décence digne et séduisante donnaient à son regard, à sa physionomie, une expression céleste. Ses paroles, ses mouvements, toute sa personne respiraient une sorte de vertu virginale. Et l'on eût dit qu'en passant, elle laissait se répandre autour d'elle la pureté de son âme. Vivant dans le monde, de la vie du monde, elle se gardait de toutes ses atteintes. Rougissant pour un regard, troublée pour un rien, elle plaisait sans coquetterie, elle charmait comme l'innocence dont elle semblait le portrait imaginé. Toutes ces femmes du XVIIIe siècle, qui savaient si bien vieillir, mettaient à accepter l'âge plus que de la résignation, mais encore de l'esprit et du goût. Elles ne se prêtaient point seulement moralement à ce grand changement, par la patience de l'humeur, par le renoncement aux prétentions et aux exigences, par la sérénité, le détachement, l'apaisement d'une sorte d'indulgence maternelle. Elles accommodaient leur corps au mode de la vieillesse comme elles avaient accommodé leur âme à ses vertus. Elles savaient faire de leur toilette la toilette de leurs années. De toutes les coquetteries de leur passé de femme, elles n'en gardaient qu'une, la plus simple, la plus sévère, la propreté. Une propreté qui leur donnait tout à la fois une élégance et une dignité. Ce qu'elles montraient tout d'abord, et à la première vue sur toute leur personne, leur seule parure affichée était ce que le temps appelait une netteté recherchée. Par cette tenue toujours nette, par ce grand soin de la toilette auquel elles ne manquaient pas un jour, et dont rien ne les affranchissait, ni le malaise, ni les souffrances, ni les infirmités, elles échappaient sinon aux ravages, du moins aux laideurs et aux horreurs de l'âge. Elles cédaient aux années, mais sans en subir l'injure, en secouant la poussière du temps. Leur costume était le plus simple et le plus noble. Elles excellaient à mettre une convenance dans chacun de ces détails, dans la façon de la robe aux manches larges, dans l'étoffe d'une couleur austère, toilette éteinte que relevait un seul luxe, le linge le plus uni et le plus fin. C'est ainsi que s'habillait la vieille femme, montrant cette singulière entente de sa mise, ce bon goût si sobre que Diderot admirait un jour au grand bal, en levant, après une partie de piquet, les yeux sur Madame Geoffrin. À peine si la maladie la faisait manquer à ce devoir rigoureux qu'elle s'était imposé d'être avenante dans la simplicité et parfaitement correcte dans la propreté. Toute femme bien élevée gardaient jusqu'au bout la décence de la vieillesse, et l'on en voyait qui se levaient héroïquement sur leur lit d'agonie pour faire une dernière toilette, comme s'ils eussent craint de dégoûter la mort.